à l'écoute ça. Laisse-moi compter, faire sûr qu'on est ensemble. OK. Laisse-moi compter. Woke up this morning. 1, 2, 3, 4. Excuse. Une minute. On commence ensemble. T'es prête?